Je sais, j'avais dit plus de chansons tristes. Je sais, j'ai promis plus de ça sur mes pistes. Rien que du rock'n'roll, rien que t'es pas trop mal. Plus de larmes dans mes yeux, faut bien être heureux. Mais il me manque un petit air de synthé. Il me manque des vacances en été. Il me manque un tout petit bégaiement. Il me manque tout le temps. Je sais, j'avais dit fini les malheurs. Je sais, j'ai promis que du bon cœur. Mais cette chanson-là, c'est juste un petit air. C'est juste pour un gars extraordinaire. Mais il me manque un petit air de synthé. Il me manque des vacances en été. Il me manque un tout petit bégaiement. Il me manque tout le temps. En été, il me manque un tout petit bégaiement. Il me manque tout le temps.